Je me suis pourtant trouvé bien à propos pour rentrer à temps dans ma prison. C'est égal, c'est trop fort. Elle croit bien aux fées, mais à ce point, sois prudent, crois-moi. Charles sortit, mais au lieu de rentrer chez sa cousine, il ouvrit comme le matin la porte du jardin et courut chez Juliette. Voilà 3 fois qu'il y va. Nous allons le suivre et savoir ce que c'est que Juliette.